tombent des perles de pluie. Recouvre mon âme. Efface les âmes transies dans l'ombre du monde. Tombe cette des perles de nuit. Recouvre ces visages gris. Efface les âmes transies dans la danse. Cette pluie tes perles, ma pluie. Apaise mon esprit. Efface les âmes transies dans l'ombre du monde. Tombe, tombe.